et deux OP. Je frappe avec mes mots, P2OP sur le flow. Je frappe avec mes mots et ce sera mon envie, laissant autant de phases non engagées sur le mépris. Je te dis, il va t'en être ainsi, c'est dit. Arrêtez de construire le monde toujours avec des si et découper le temps, profiter de ces instants, ceux qui te font apprécier toujours le moment présent. La liberté de soi-même qui fait que je porte mon emblème. Le hip-hop est ma vie et c'est sans aucun problème. Une annonce bien précise, c'est bien elle que je vise. Toujours aussi fluide que ce qui glisse sur une banquise. J'ai cherché l'orthographe de la démocratie. Je n'y ai trouvé que le fait qu'on reste bien assis. À écouter le politico qui va te raconter la vie. Je n'écoute plus vraiment, ça ne me fait plus envie. Je préfère écouter le beat, celui qui m'emporte. Finalement le seul qui m'ouvrira encore sa porte. Je clique sur la vie, mon cerveau me demande où iront mes envies et je ne vis que sur commande. C'est peu dire quand je dis que j'ai des millions d'idées. Et même si je peux dire que j'en ai bien liquidé, saccadé, en essayant d'éliminer et bavurer le problème que j'ai bien examiné. Le vice et la vertu, et pas que dans la rue. Une image apparente et je sais bien que tu l'as vu. Un couplet détonnant, avec rien d'étonnant. Et relancer mes mots sur le beat et son instant. Et prendre un grand bol d'air sans avoir de tourment. Afin de bien comprendre quel sera mon tournant. Laisse-moi parler si ça me fait du bien. Une quantité de texte qui fait mon quotidien. Hip-hop story, c'est comme ça que je te l'écris. Les pages se tournent et je peux dire que c'est ainsi. Dissertation sur la suite d'un nouvel avenir. Et constatation qu'il faut oublier les souvenirs. Ceux qui te ralentissent t'emmènent dans les abysses. Et sentir le cœur battre aussi fort que dans les coulisses. Maladresse de ce temps où on se demandait pourquoi on ne passait pas le pas à l'écrire de nos 10 doigts. À l'ancienne, je me laissais porter sur le school. Tu sais pourquoi? Parce que tout ça c'est cool. C'est le time à chaque heure. Je compte les minutes, libérant mon cerveau de ce qui me percute. J'ai mis mon harnais, je veux éviter les chutes. Cataloguer la vie en évitant les choses brutes. Le mal est gommé parce que je l'ai assommé. Comme quand tu dois entrer et surtout sonner. Ouvre-moi ta porte, que j'en sois le bienvenu. Tu vois bien que dans mes sons, l'heure est bienvenue. Je frappe avec mes mots, je frappe avec mes mots. P2OP sur le flow. Même si parfois c'est rétro, je frappe avec mes mots. P2OP sur le flow. Passe-moi le mic, je frappe avec mes mots. Je frappe avec mes mots. Je frappe avec mes mots. Ouais.